ok. C'est top. Alpha B Production. Genesa Luna. Jackpot. Ok. Alpha B Production. Migraine, j'enchaîne, trop frais comme à l'ancienne. J'arrive pour écarter le couplet, toujours ok pour écarter la concurrence. Fais vibrer les karmas sur un être techno. T'es pas content, je peux rien y faire. Mes rimes flottent dans l'atmosphère, j'suis déterre, j'rappe comme personne. Quand tu rappes du bonhomme, j'suis passé ma soirée, ne sors pas. La bouteille sur ta tête, fais ta péter, trop frais. Et lutte en peut-être qu'un RAP, attaque contre point, jamais soufflé. Comme dans Haskell, dans le rap, trop pétale. Carbure au kérosène, sponsorisé par la NASA. Danse, danse, pour bouger, danse, danse, sonne là pour mettre l'ambiance. C'est chaud, toujours ok pour brûler le tempo, ramène tes oreilles.